Salut Charline. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je crois qu'elle est tombée amoureuse d'Enrico. Oh là là, si on m'avait dit qu'un jour elle kifferait un ancien soutien sarkozyste. En tout cas, on n'invite pas Sardou. Si l'Erica. Oh là là. Ah non, mais là on peut la considérer comme perdue. Oh là là. Charline, stop. Il y a pas de plein de sujets. On n'a pas de temps à perdre et le temps c'est de l'argent. Ouais, ben ça se confirme, elle est de droite. Alors je refuse une chose, c'est qu'on parle de retour vers le futur. Ah bah j'allais proposer le sujet. Ah bah c'est pas ça le problème, c'est que tout le monde le fait. Bah oui, mais c'est peut-être justement parce que c'est un bon thème. Non, mais c'est un thème facile. On n'a pas de skateboard volant. Ouais, bon, on pourra faire un sketch quand même de ça. Ah non, non, non. Si, allez, si, ça pourrait être marrant. Allez, moi, j'aimerais bien aller dans le futur avec Constance. Ouais, moi aussi, c'est vrai. Et que... C'est qui cette Constance? C'est l'invitée. Bah, oui. Ah bon? Et vous iriez bien dans le futur avec elle? Oui. Moi, je préférerais partir avec Dany Briand. Non, mais c'est pas la question. Ça, alors, donc, si on fait un sketch et qu'on va dans le futur, vous préférez partir avec cette Constance? Bah, par rapport à qui? Enfin, oui, ça dépend. Enfin, je veux dire, c'est. Par rapport à moi, évidemment. Ah, ouais. Bon, alors. Mais c'est un sketch, donc il faut pas. C'est pas pour la vraie vie. Ah, c'est ça, d'accord, c'est ça. Ok. Donc, dans la vraie vie, si vous avez le choix entre nous deux. Bah alors. C'est pas facile, hein. Vous c'est avez pas... des qualités toutes les deux. Oui. Ça, mais vous n'avez qu'à faire un sketch où tout le monde part dans le futur. Ah, voilà. Moi je ne pars pas dans le futur avec cette Constance. Ouais, mais... Ah, oui, mais alors là, il y a une solution. Plus, tu partiras avec qui de nous deux, toi d'ailleurs? Ah, oui, tiens. Qui c'est à moi? Oui. Bah moi je partirais avec saloperie de guitariste. Mon Rico. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui survole l'actualité, tel un chasseur français. Mais oui, à rafale. Et voici les trois informations qu'on va parachuter sur l'antenne jusqu'à 18h. Souriez, vous êtes palpés. Mais si vous aimez le train et le contact avec la maréchaussée, vous serez comblés d'apprendre qu'un projet de loi prévoit la carte d'identité obligatoire et la fouille dans les trains. Tu as un revolver dans la poche. Tu es très content. Dans la guerre que se livrent François Hollande et Nicolas Sarkozy, il y a un soldat méconnu, un paparazzi. Le paparazzi officiel de Sarko, passé professionnel du portrait, parce que la dernière en date, c'était une amateur. Hein. Est-ce que vous avez un polar? Un quoi? Un polar, oui, Jacques. Assez, les enfants l'ont jeté dans les cabinets. Et on reste dans les cabinets avec la taxe Tampax, qui place le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, au centre du débat, où il explique que c'est lui qui fait les emplettes d'hygiène intime pour la famille. Il a donc une certaine vision du tampon. Tampax, oui, à tous vos désirs. Oh, ben, bah, pourquoi pas, oui, à tous vos plaisirs, tant qu'on y est. Et pour m'accompagner, j'ai celui à qui on va demander à combien coûte le paquet de Tampax, c'est Alex Vizorek. Bien évidemment, j'adore ça, aussi. J'en amène toujours quand je suis invité à un dîner. Aujourd'hui, autour de la table, une toute belle équipe, à 17h20, c'est elle qui décide de ce qui est de la bonne musique ou non. Et je peux vous dire que si un jour, on doit emménager ensemble, eh bien, il n'y aura pas un seul CD qu'on aura deux fois. C'est Mélanie Bauer. Quel est le mot du jour? Eh ben c'est blonde, évidemment. Formidable. À 17h30, lui s'est rendu au salon Animal Expo et un des stands, l'exposant a essayé de le garder. C'était le stand des fouines. C'est notre animal de mauvaise compagnie, c'est Guillaume Meurice. Mais oui, bonjour, merci pour ce lancement. Et bonjour Charline. Alors oui, effectivement, je me suis rendu au salon Animal Expo, un salon plein de nouveautés pour nos amis, donc les animaux. Alors les nouveautés, par exemple, vont être très exotiques puisqu'on va de la frite pour chien. Ben voilà, alors là on part de là, hein, donc je ne dis pas la suite. Il y a un gros suspense. C'est à 17h40, quand il faisait du sport lui-même, il pratiquait les arts martiaux. C'est tout lui, le sport est un art, l'art peut parler de sport, bref, le Rimbaud des tatamis, c'est Samir Bouadi. Quel gentil lancement, voilà, salut. Vous m'écrirez des lancements plus longs, la prochaine fois c'est un peu court, mais c'était bien. Ben écoutez, moi je vais vous parler de Ligue des Champions, de Cristiano Ronaldo et surtout de Schopenhauer. Évident, bah, c'est pas la quelle peine souplesse, vous êtes Nadia Comaneci de la chronique. Si tu écoutes, j'annule tout est présent dans un monde virtuel, sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, vous pouvez devenir notre ami imaginaire. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous Mitterrand, vous entrez au Conservatoire d'art dramatique de Lille en 2003, et vous avez le nez fin de vous installer dans le Nord l'année de la canicule. Vous écrivez votre premier spectacle, Je suis une princesse bordel en 2007. C'est l'année où en France, quelqu'un imagine qu'un parti politique peut s'appeler éventuellement le Modem. Oui. Vous participez à l'émission On ne demande qu'à en rire à partir de 2011, quand le meilleur sketch de l'année est attribué à DSK lors d'un spectacle à New York. Et vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes... Constance. Oui. Bienvenue Constance. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Constance, ça nous change une semaine où les invités étaient nés sous René Coty ou Albert Lamy. Constance, on peut vous voir à la Comédie de Paris jusqu'au 19 décembre. Vous jouez partout The Sentimental. Et quand Alex Vizorek a vu le titre de votre spectacle, il a dit bon, j'y vais. Donc je vais le laisser faire. Non, j'y vais parce que j'aime beaucoup Constance. Parce que les gens qui ne la connaissent pas du tout, ça se pourrait qu'il y en ait l'un ou l'autre qui traîne sur France Inter. Vous êtes l'une des premières filles à avoir fait du vrai, vrai, vrai humour noir. Ben oui, d'accord. Non. Non, mais donc vous vous êtes inspirée d'humoristes plutôt masculins. Vous n'êtes pas la grande héritière de Muriel Robin. J'ai pas l'impression de m'être inspirée, en fait. J'ai eu l'impression que la scène, c'était l'occasion de dire les choses comme on les voyait, comme on les ressentait. Voilà, je me suis pas dit, ah, je vais avoir ce style, ouais, j'ai envie d'avoir de l'humour noir, ça va être trop provoque. Non, pas du tout. Mais vous ressentez vraiment tout ce qu'on voit sur scène. Ouais, ouais, c'est terrible. Il y a des trucs très angoissants. Oui. Oui, d'accord. Non, en fait, bon, une des premières phrases, je la cite. Une mère au foyer, c'est comme une pute, mais avec un seul client. C'est, je crois, la deuxième phrase du spectacle, qui place un peu le décor. C'est femme au foyer, ouais, c'est un peu comme pute, mais avec un seul client. Voilà. Mais l'idée, c'est de dire qu'il y a rien de plus beau que l'indépendance et qu'il faut gagner sa vie et jamais dépendre de personne. C'est ça, si j'explique, je veux que ce soit moins dur, mais c'est que ça me fait rire quand c'est gratos de le lâcher comme ça parce que on n'arrête pas de dire des trucs horribles sur les putes, mais les putes, c'est nécessaire aussi. Ça, si on est sûr, on aurait mis dans les trois sujets parce que c'est un beau débat. Il y a un engagement. Je trouve que vous passez en revue vos émotions avec chaque fois un personnage différent. Vous allez vous changer, vous avez des tenues, vous vous embellissez, vous vous enlaidissez selon le rôle. Les goûts. Selon les goûts, c'est pas faux. Et là aussi, je trouve que vous faites un truc quand même difficile à faire, c'est que le sketch le plus choquant, c'est peut-être le premier. Ah oui? Mais c'est vrai que c'est celui qui... Parce qu'en fait, c'est une mère qui va chez voir son psy et elle est désespérée parce que son fils est gentil et elle aurait voulu que ce soit un serial killer. Donc elle a tout fait pour que ça devienne vraiment un tueur, un pédophile, quelqu'un d'atroce. Et avec son mari, ils l'ont violé tous les soirs, ils lui ont mis des coups dans la gueule, tout le temps voulu faire de lui une horreur. Et il est adorable, le gamin, et c'est l'enfer pour elle. Et ce sentiment, c'est l'ambition, parce que chaque personnage est un sentiment. Et c'est vrai que ce premier sketch, des fois, ne passe pas du tout. Mais je trouve ça bien d'annoncer la couleur dès le départ. Comment vous sentez dans la salle que le sketch ne passe pas? Est-ce que c'est juste un silence ou est-ce qu'il y a des gens On ressent, oui, des fois il y a des gens qui s'en vont, mais pas dès le départ en fait, parce qu'ils attendent voir vraiment si. C'est puis ils ont payé. Ils ont payé, ouais. Mais du coup, ils sont encore plus en colère quand ils aiment pas. C'est quelque chose que vous arrivez à palper. Mais il y a quelque chose qui est palpable, mais je trouve ça intéressant d'être sur le fil dès le départ, parce qu'en fait, c'est un petit peu glaçant. Et après, hop, les gens se détendent, ils comprennent le style, ils rentrent dedans. Et c'est bien que ce soit, bim, direct, comme ça. Ah d'accord, ok. Mais ça n'est pas que choquant, c'est surtout très, très, très drôle et très original. Parce qu'on fait peur aux gens. Et j'aimerais qu'ils aillent vous voir parce que vous êtes ce qui se fait de mieux dans la nouvelle génération des humoristes. Voilà. Oh, c'est gentil. Si, validé, vu à la radio par Alex Vizorek. C'est Constance, partout, The Sentimental, à la Comédie de Paris. C'est jusqu'au 19 décembre. Et puis vous serez en tournée toute l'année en 2016. Vous allez sillonner la France et puis lancer vos punchlines partout. Vous êtes sur France Inter. Little lady says my name. Jukebop baby, playing a strange game. Fly trumpet play, I'm looking for fame. Jukebop baby, jukebop baby, jukebop baby. Jukebop baby, jukebop baby. Coming home to us where I stay. old jukebox, baby, you're playing Johnny Ripley. Ooh, hot shot gambler, looking for a play. Ooh, jukebox, baby, jukebox, baby. Jukebox, baby, jukebox, baby. Jukebox, baby, jukebox, baby. Uh-huh. Electron woman, jukebox baby, you're playing number four. Avenging angel, defeating the poor. Oh, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby. Alan Vega, notre programmateur musical Chewbacca, nous a proposé Jukebox Babe. Mais qu'est-ce que Mélanie Bauer ? Alan Vega, c'est un des grands héros de la contre-culture américaine. Il a fondé avec Martin Rive le groupe Suicide, que vous écoutez en boucle, ah, j'en suis sûre. C'est un des premiers groupes de rock électronique. C'est la scène alternative new-yorkaise des 70s. Et aujourd'hui, il est plasticien. Il va chercher dans la rue des petits bouts de trucs. Il en fait des sculptures. C'est très, très beau à voir. Souvent, il expose souvent en France. On est assez fan. Il est au chômage, quoi. Il est équilibré. Ouais. On programme la contre-culture sur France Inter. Mais oui, jusqu'à 18h en compagnie de Constance, que vous pouvez voir à la Comédie de Paris, son pestacle partout The Sentimental que Alex Vizorek a adoré, et autour de cette table, outre Mélanie tous Bauer, les contre-cultivés de cette maison, Guillaume Meurice et Samir Boisdi. Et la contre-information, c'est tout. Bon, allez, à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. On commence par les titres. François Hollande a été hué à la Courneuve, comme quoi les gens des banlieues pauvres ont beaucoup de points communs avec les gens des banlieues riches. Le dossier de cette édition nous a été inspiré par le numéro spécial sexe de 30 millions d'amis magazine, sans tabou. C'est écrit dessus. Il répond à de nombreuses questions. Je vous les lis, je n'ai rien changé. Les animaux sont-ils sodomites ? L'inceste est-il tabou dans le règne animal ? Et la meilleure, pourquoi les chattes semblent-elles souffrir pendant le coït ? Bon, bah donc si on a ça, on va pas faire des brèves. Alors, on en aura aussi des brèves. Super. Vive l'information sur France Inter. Et on commence par cette permission de sortie qui a été refusée à un membre de la communauté des gens du voyage qui souhaitait assister aux obsèques de son frère, et ce malgré les violences qui ont eu lieu. Voilà, on rappelle qu'au mois d'août, une même demande avait été acceptée par Bernard Cazeneuve après le blocage de l'autoroute A1. Alors pourquoi oui à l'époque et non aujourd'hui ? Sans doute parce que cette fois-ci, ça ne l'empêche pas de partir en vacances. Suite à ces violents incidents, Claude Guéant a mentionné son envie d'épouser une gitane. Oui, c'est surprenant, mais l'idée que des gens puissent se rebeller pour le faire sortir un jour de temps en temps, eh bien, ça le touche énormément. Politique, François Hollande a été surpris par les huées qu'il a reçues à la Courneuve. Il faut dire que le pauvre est déboussolé, c'est le monde à l'envers. Il y a deux jours, il saisissait 7 tonnes de drogue dans le 7e arrondissement. Du coup, il s'est dit, à la Courneuve, on va m'attendre, ce seront des vieilles dames en vison qui promènent le Yorkshire, et puis non. Passons à droite. Var, un député, les Républicains, c'est vrai, conseille de faire pipi sous la douche pour économiser de l'eau. Ah, c'est drôle ça. Oui, c'est à se pisser dessus. Oui, alors venons-en au grand dossier de cette édition, le numéro spécial sexe du magazine 30 millions d'amis. Et j'ai bien lu avec bien attention. On apprend par exemple que les animaux n'ont pas de pratique sexuelle anormale. Donc, quand les jockeys cravachent leur cheval, voilà. Et ils ne répondent pas à leurs désirs sadomasochistes, non, par exemple. Non, c'est ça. En revanche, bon, les animaux sont zoophiles. Mais ça ne surprend personne. Pour ce qui est de l'inceste, sa prévention est largement partagée chez les animaux. Donc, il y en a peu. Alors, il n'y a pas de Woody Allen chez les épagneuls bretons. Non. Quant à la polygamie, eh bien là, elle est largement de mise chez la plupart des animaux. Donc, le lévrier afghan a autant de femmes que l'afghan normal. C'est ça. Et pour parler de tout ça, nous avons un invité exceptionnel dans cette émission pour répondre à nos questions. Nous avons Lassie qui est là. Bonjour Lassie. Bonjour et merci de me recevoir. Lassie, dans votre livre « Quel vie de chien », vous nous révélez que Rintintin pratiquait l'échangisme. Exactement, et oui, exactement, voilà, voilà, c'est ça. Exactement, et je peux vous dire que ce qu'il échangeait, c'était pas toujours du bien toiletté. Et vous ? Ouais, disons que je suis jamais le dernier quand il y a une partie de pâte en l'air, quoi. Depuis toujours, ça ? Depuis que j'ai rencontré Belle quelques semaines après qu'elle ait quitté le clochard, je peux vous dire qu'elle suce pas que des spaghettis. Merci. Oui, merci. Là, il a dit au revoir, Charline. Excusez-moi, je ne connaissais pas, j'avais pas vérifié. Retour à l'information, oui. Hein, Média, oui. L'autorité de la concurrence autorise le rachat du Parisien par le groupe LVMH. Et ça, c'est vrai que c'est tellement beau de voir un sac Louis Vuitton duquel dépasse négligemment un Parisien aujourd'hui en France. Une page People. Gwyneth Paltrow, l'actrice américaine, fait des vidéos sur Internet pour donner des conseils médicaux. Oui, sauf que médecine, c'est 7 ans d'études, voilà. Au moins, hein, et récemment, elle a conseillé à ses fans de faire un sauna pour soigner la grippe, ce qui médicalement est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Voilà, donc la semaine prochaine sur doctipaltrow.com, comment vaincre le cancer avec un fusil et comment surmonter sa claustrophobie en s'engageant comme sous-marinier. Il est 17h23 et donc le journal de presque 17h17 s'est achevé. On va pouvoir aborder le premier sujet. C'est celui du mois de novembre, hein, le 30 millions d'amis magazine, oui, qui est merci, intéressant. C'est vrai que ça méritait d'être sans précisé. Tabou. Si vous aimez les tabous, ne lâchez pas. Parce que Puis si tabou. Vous décidez de mettre 2-3 euros dans la presse, il y a d'autres choses quand même. Hein. Je vous rappelle qu'il y a quand même des canards formidables avec des journalistes d'investigation qui ont besoin qu'on les encourage. C'est vrai. Allez, jusqu'à 18h. Il n'y a pas eu de l'investigation dans celui-là parce que sinon c'est très gênant. L'actualité dans la prise. Premier sujet, la France a peur, le gouvernement va renforcer la sécurité dans les transports. Mais pas de panique, c'est surtout pour juguler la fraude. Enfin, on risque de devoir se faire fouiller un petit peu quand même. Et puis après, ils m'ont fait un petit toucher rectal et puis ils m'ont laissé passer. Parfait. Très pro. Comme ça, moi, j'ai pu aller tranquillement à la police des douanes. Hein. Alors là, eux, direct, toucher rectal. Il paraît que c'est la procédure. Hein, pour vérifier si tu caches pas quelque chose à l'intérieur. Hein. Je sais pas, de la drogue, une bombe, des baskets de contrefaçon, de la nourriture, des animaux domestiques, enfin je sais pas, hein. C'est leur métier, hein, je comprends. Et puis après, bah, vérification, ils m'ont laissé passer, hein, très correct, parfait, super pro. Comme ça j'ai pu aller bah, tranquillement à la police de l'immigration, bon, et puis après ils m'ont laissé passer. Non, ils m'ont fait un petit toucher rectal et ils m'ont laissé passer. Patrick Timsit, pour illustrer ce sujet, ce projet de loi, vous avez vos papiers sur vous, Constance ? Oui, dans mon sac j'ai mes papiers. Ah, ouais. Quoi comme papier par exemple ? J'ai ma carte d'identité, mon permis de conduire et mon passeport. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc, ah ouais, donc s'il y a un contrôle là dans le studio tout de suite, vous pouvez... Là je peux répondre vraiment de mon identité, mais c'est surtout si à par mon avis exemple... ils contrôleront Samir avant, mais... mais j'avais prévu tout, regarde, il est là. Samir Boidi a son passeport aussi. Mais vous disiez Constance ? Non, c'est plus si d'un seul coup il faut tout quitter et partir, j'ai ce qu'il faut, voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça. D'accord. Mais oui. Très bien. Donc il y a un texte qui va être débattu à l'Assemblée fin novembre pour renforcer la sécurité dans les transports. On va éventuellement se faire fouiller sa valise en montant dans le train. Est-ce que vous voyez ça comme une restriction des libertés ? Vous vous dites la France a peur, ou finalement, bon, bah, quand il y a un type qui est monté dans le Thalys avec sa calache, ça me rassure quand même. Quel regard vous portez là-dessus, vous, hein, en tant qu'usagère des transports, j'imagine ? Bah, moi, je suis plutôt contente parce que je me dis que je vais enfin pouvoir me faire contrôler et me faire fouiller parce que ça ne m'arrive jamais. Et c'est extrêmement frustrant. C'est toujours les mêmes qu'on contrôle. C'est, et vrai, c'est pas normal, c'est injuste. Il y a une discrimination. Ouais. Je tiens à témoigner car j'ai été contrôlée sur le quai à Bruxelles en prenant le Thalys et deux personnes qui viennent et me disent on peut voir ce qu'il y a dans votre sac. Alors je me dis, tiens, c'est je suis le premier blanc de la journée. Et ils ont été un peu, je faisais une blague, hein. Ils ont été un peu surpris, un peu choqués. Ils m'ont dit, non, c'est pas du tout, voilà, on varie. Et alors je dis, je montre avec grand plaisir. On a une palette de couleurs. Voilà. Donc je suppose qu'il y a un quota, mais donc j'étais dans le quota blanc de la journée, donc voilà. Samir Boidi, vous êtes déjà fait contrôler. Il fut un temps où j'étais coupe d'uniforme, okay, tout le temps, quasiment tous les jours. Ouais, vous mettez quasiment, tous les jours. Moi j'ai connu la grande époque, hein, la grande époque. Ouais, la mais très... Vichy ou quoi ? Non, mais j'ai connu l'époque où il fallait pas courir pour avoir le métro, quoi. C'était pour eux, c'était très très inquiétant, un type avec ma gueule qui courait pour aller prendre le métro. Et où était-ce ? Je me rappelle très bien une fois, alors à Nancy, à Vendeuve, mais une fois à Maison Alfort, les mecs m'ont empêché de prendre le dernier métro pour me faire chier. Ah. Ah ouais. Voilà. C'est ouais, voilà. Je, bon, voilà. Alors Mélanie qui est blonde. Absolument. Histoire vraie. Hein. Hein, et Constance, vous, Mélanie, vous n'êtes pas non plus. Moi, je ne prends pas les transports en commun, vous rigolez. Oh, Constance, alors se faire fouiller avant de monter dans le train, par exemple, si c'est un mec qui vous fouille, vous allez dire non, il faut que ce soit une femme flic ou. Ça dépend s'il est beau ou pas. Oui, bah oui, c'est vrai. C'est tout à fait honnête, j'aime bien. Oui, je suis d'accord. Très bien. Donc je pense qu'on a fait le tour du sujet, sauf si Guillaume Meurice a quelque chose à ajouter. Non, pas du tout. Moi, même s'il est beau ou s'il n'est pas beau, je pense que je lui cracherai la gueule quand même. Ouais, ça m'aurait étonné. Voilà. Donc, pas d'inquiétude. Tout va bien. Hein, donc, voilà. Donc, mais gardez votre pièce d'identité quand même sur vous. Alors, j'ai lu dans le Parisien. Est-ce qu'on peut fumer une clope en revanche dans le métro ou pas? C'est interdit toujours. Il y a de plus en plus de choses interdites. Vous savez bien, les transports en commun, ça devient Fort Knox. Alors, j'ai appris en lisant le Parisien aujourd'hui en France. Moi, je ne savais pas parce que je suis belge, hein, je vous rappelle, que sur le territoire national, le citoyen français n'est pas obligé d'avoir sa carte d'identité. Ouais. En permanence sur lui. Si vous avez, bah, comme Constance, alors, ou permis de conduire, ou carte d'électeur, ou carte de transport, une photocopie, c'est suffisant. Non et oui, ou tout ça pour gommer le souvenir du régime de Vichy qui avait rendu la carte d'identité obligatoire. Et voilà pour l'histoire. Oui, parce qu'on informe aussi les gens dans cette émission, hein, quand même. Oui, ça rigole plus. Mélanie Bauer. Ah oui. Oh là là, dites donc, un petit peu de musique, parce que la France a peur, vous savez. Oui, c'est vrai. Alors, Constance, vous êtes blonde. Et les blondes, bah, elles sont plus ce qu'elles étaient hein, dans les séries américaines. Quand elles font la mousse, n'est qu'après avoir cassé la figure du méchant sur le net. Quand elles montrent leur chatte, c'est en général, vous le faites d'ailleurs aussi, un véritable félin. Ah, c'est pas. Voilà. C'est vrai. En musique, c'est la même chose. La douce ingénue n'est plus. Les blondes sont drôles. Ici, blonde and blonde and blonde, caricature de Suédois, Thor, Mar et Glar, trio qui use les planches et les standards de la chanson. On peut pas dire que ce soit de la grande musique, mais c'est toujours le pied de dédramatiser, désintellectualiser notre spécificité nationale, à savoir la chanson. Vous les avez sûrement déjà vus, hein, puisqu'ils sont partout. C'est très marrant. C'est le hommage, la chanson française, ok, et la chanson française, c'est beaucoup c'est sur l'amour, beaucoup c'est chanson et amour, en Suède, l'amour, c'est bien, mais bon, c'est tarifé, et, bah, fromage, hommage, le amour. Tout le monde s'éclate à la cululu. Tout le monde s'en marre à la cululu. Je vous ai dit, c'est pas de la grande musique, hein. C'est bien. Mais c'est très très drôle. Par contre, c'est du grand texte. C'est du grand. Ils sont blonde, français, donc. And blonde, and blonde. Ils sont suédois. Oui, je sais. Absolument. Oui. Les blondes sont aussi des grandes gueules, hein, des militantes, des humanistes. Agnès Bill, par exemple, je l'ai vue chanter une fois, toute seule a cappella, à la fête de l'UMA, devant un parterre de militants pamélomanes. Elle publie avec Amnesty International les paroles de sa chanson sur l'inceste « Touche pas à mon corps », mise en dessin, chanson pour laquelle, d'ailleurs, elle ne touche pas de droit d'auteur, on ne gagne pas d'argent avec le malheur. Elle signe le nouveau manifeste des féministes, c'était, vous vous en souvenez peut-être, en 2011, dans Libération, 40 ans après l'appel des 343. Agnès Bill. Salope, ah bah oui. Évidemment. Agnès Bill, cette petite blonde, je l'ai rencontrée à ses débuts. Elle était toute jeune, c'était il y a une dizaine d'années, un tout petit bout de femme qui chantait ça. Dans les cités, les bidonvilles, le pape bénit la pauvreté. Ça passe le temps, ça tient tranquille, ceux qui n'ont plus rien à becter. Et puis le très Saint-Père a dit faut faire des gosses, même ses repos. Ils iront vite au paradis, de toute façon ici, il n'y a pas de boulot. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Partout on crève, mais c'est une chance. Et puis, il faut bien se faire une raison. Au moins, ça limite les naissances. Sans cette damnée contraception. Bien sûr, les viols font une moyenne. Faut se résigner, surtout rien dire. Que naissent les gosses de la haine, pourvu qu'ils soient faits sans plaisir. Oh, dis monsieur, voilà, ça continue. On est rassurés, depuis le pape est devenu communiste, hein, donc cette chanson ne fonctionne plus. Et les blondes sont aussi poètes. On part aux États-Unis avec la harpiste psychédélique Joanna Newsom. On l'a découverte avec des chansons de 10 minutes qui racontaient des histoires fantastiques. Une voix magique, souvent comparée à celle, attention, name dropping, de Kate Bush. La légende dit qu'elle n'a jamais pris de cours de chant. Ce serait donc un miracle de la nature. Elle est de retour avec Divers, un disque plus conventionnel que ses précédents, qui explore notre peur de la mort. C'est beau et ça sort en octobre. Une américaine, Mélanie Bauer. Voilà, donc les blondes sont drôles, elles sont combatives et elles sont poètes, comme Constance. Je voudrais juste dénoncer le caractère, une fois de plus, non exhaustif du travail de Mélanie Bauer. Elle parle de chansons de blondes et Michel Thor n'est pas cité une seule fois. Il y a un moment, les gens se posent des questions. En c'est gale, voilà. C'est vrai. Johanna Newsom, on a écouté Sapocanican et son album vient de sortir et sortait dans le courant octobre. On vous le conseille donc. Nous sommes toujours en compagnie de Constance sur France Inter. Constance que vous pouvez voir sur scène dans son spectacle Partouze Sentimentale. C'était la Comédie de Paris jusqu'au 19 décembre et en tournée dans toute la France en 2016. À cette heure-ci, outre Samir Bouadi qui est avec nous, Alex Vizorek, Mélanie Bauer, il y a aussi Guillaume Meurice. Et oui. Le moment Meurice, Constance, c'est un moment d'engagement, c'est un moment citoyen. Constance qui aime bien les animaux, vous êtes bien tombé aujourd'hui. Oui. Attention. Ah, parce qu'il en est question. Alors, je vais quand même vous parler de l'homme, avant avec un grand H, l'Homo sapiens, la seule espèce capable d'envoyer des robots sur Mars, la seule espèce capable de s'entretuer au nom d'un dieu aussi miséricordieux qu'inexistant, la seule espèce capable de battre le record de lancer de noyaux d'olive avec son anus. Bravo Samir, j'ai vu la vidéo, c'est très impressionnant. Mais l'Homo sapiens, c'est aussi la seule espèce capable d'emmerder toutes les autres espèces animales de la planète et même quand il s'agit de les aimer. Pour vous le prouver, je me suis rendu au salon Animal Expo. Il y avait plein d'innovations pour tous les animaux, notamment pour les chiens. Toute une série de friandises pour chiens. On a également des manteaux de Noël qui clignotent, on a des frisbees qui clignotent. Attendez, on va s'arrêter là-dessus. Des manteaux de Noël qui clignotent? Tout à fait, c'est-à-dire que l'avantage que vous avez, on met un petit manteau sur le dos du chien et il y a une petite pile qui permet de faire clignoter des petits LED Et donc, le chien devient le petit Père Noël de la maison. Voilà, voilà, le petit Père Noël de la maison. Alors, je voulais juste rappeler que le chihuahua, avec son manteau clignotant, à la base, c'est un loup comme animal. Hein. Après, bon, l'homme l'a apprivoisé, il lui a mis un collier, puis après, un petit manteau clignotant hein, pour en faire le petit Père Noël de la maison. Alors, si le chien est le meilleur ami de l'homme, on peut dire que le chien n'est pas rancunier, hein, déjà. Et s'il n'est pas rancunier, c'est peut-être que parfois, l'humain est sympa quand même. Il joue avec lui. Par exemple, avec un frisbee clignotant, hein, vous l'avez entendu. Alors, quel est l'intérêt de ce frisbee? On peut jouer de nuit parce qu'il y a un LED qui s'allume et donc le chien en plus rattrape le frisbee avec la lumière et surtout le maître voit le frisbee. Ça c'est bien, ça c'est un bel avantage. On peut jouer au frisbee de nuit avec son chien. Tout à fait. Et ben voilà, on dit que la société va mal, mais en fait ça va bien. Absolument. Mais voilà, mais ça innove. Il y a des inventions comme ça, on se dit mais comment on faisait avant en fait? Et ben avant on était comme des cons à 3h du matin avec son chien. Lui on se disait ben oui mon pauvre Toby, ben oui j'ai une envie de folle de jouer avec toi au frisbee dehors, mais il fait nuit noire, c'est impossible. Et ben maintenant c'est possible, voilà. Un problème de régler, c'est parfait. Alors, il y en a d'autres, hein, les problèmes. Il y a le problème des arbres à chats. Eh oui, on n'en parle pas de celui-là. On n'a jamais fait un sujet sur les arbres à chats. Et c'est un vrai souci, voilà. Alors, heureusement, je suis là. Et heureusement que ce monsieur qui en vendait aussi. On essaye d'avoir un design un petit peu en décalage par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché du chat. On trouve malheureusement des choses un petit peu rock'n'roll, pour ne pas dire autre chose. Le marché du chat est rock'n'roll en ce moment ? Au niveau de l'arbre à chat, c'est quand même très hétéroclite au niveau du style. Ça ah bon ? Oui, on trouve souvent des choses d'un goût douteux. Oui, c'est vrai. Hein, on le voit quand on va chez les gens qui ont un arbre à chat. On est souvent très gênés. Il y a des arbres à chat en forme de plug anal, des arbres à chat avec des photos de Nadine Morano pour les différentes races de chats. Enfin, c'est gênant. Alors, on est gêné également souvent quand on va chez des gens qui ont des oiseaux. Pourtant, des êtres vivants qui volent et qu'on aimerait bien enfermer, on en connaît. Hein, je pense notamment à Claude Guéant. Mais là, je vous parle bien d'oiseaux complètement innocents. Heureusement, ce vendeur de cages m'a rassuré. Par exemple, les petits oiseaux que vous voyez ici sont apprivoisés et c'est justement conçu pour sortir de la cage le plus souvent possible. D'accord. Le soir, ils vont rentrer dans la cage parce qu'ils ont besoin de s'alimenter, de se reposer. Sinon, ils vivent avec vous dans la journée, dans l'appartement, en dehors de leur cage. Et alors, ils chient sur le canapé, du coup? Alors, ils font leurs petites popos sur le canapé, mais ce sont des tout petits popos que vous pouvez nettoyer très très facilement. Et surtout, en fait, ils font popo toujours aux mêmes endroits dans la maison. Donc, c'est très très facile de le prévoir. Eh ben voilà, on est rassurés. Donc, non seulement l'oiseau, il va pouvoir prendre son envol hein, dans votre 16 mètres carrés, ça c'est bien. Mais en plus, vous allez pouvoir installer au milieu de votre canapé une petite litière à popo d'oiseau. Hein, voilà, ça c'est beau, c'est la liberté. Vive la liberté, celle des lapins également. Faut en parler des lapins. La liberté des lapins dans leur cage. En quelle matière? En cage lapin, donc le classique, c'est le plastique. Mais nous avons aussi en bois, donc un bois blanc. Mais le lapin, il ronge le bois. Il ronge le bois, effectivement, mais... Donc, il faut racheter une cage en bois à peu près tous les deux mois, le temps que le lapin la bouffe. Non. En fait, c'est juste l'intérieur et vous pouvez un peu le ronger. Mais les grilles, etc., elles vont bien tenir. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, elles vont bien tenir toutes seules, bien sûr. Belle idée en attendant l'invention des cages à poules en maïs, par exemple. Ou des cages à ours en miel. On a hâte, on a hâte. Bon, ceci dit, pour calmer l'ours hein, sorti de sa cage, on pourra toujours lui mettre un petit collier, comme il en existe déjà pour les autres animaux, un collier électrique, figurez-vous, qui envoie des décharges en cas de désobéissance. N'est-ce pas, monsieur le vendeur ? Alors, c'est pas vraiment une décharge. Hein. C'est vraiment un signal électrique, mais qui est très faible. Est-ce qu'on peut imaginer ça pour les humains ? À chaque fois qu'ils disent une connerie, hop, une petite décharge. Personnellement, moi, j'ai déjà essayé. Non, je pense pas que ça marcherait. Vous avez déjà essayé ? Ouais, on essaye sur les commerciaux qui font pas leurs chiffres. Et ben voilà. Parce qu'évidemment, le but de ce genre de salon, c'est qu'un maximum d'homo sapiens vendent un maximum de conneries à d'autres homo sapiens. Des homo sapiens soumis au culte du pognon comme un chien à son propriétaire. Je vous laisse en rêvant d'un temps prochain où tous les animaux de la biosphère, humains compris, reprendront enfin en cœur cette devise éternelle, ni Dieu, ni maître. Guillaume Meurice, merci, sur France Inter avec Constance. Vous avez un animal de compagnie ? J'ai deux chats. Ils sont montrés. Ah, le marché de l'arbre à chat. Ouais. Non, mais en fait, je trouve ça sain d'avoir un animal dans une maison. Je trouve ça équilibrant parce que je suis habituée comme ça. Mais je trouve que là, ce qu'on a j'ai l'impression en entendant ça, que c'est l'animal en fait va tout remplacer, que ça va être à la fois aller contre sa solitude, son mal-être. Nous, on s'aime pas, du coup, on va donner trop d'amour à l'animal. Il prend toute la place et je trouve ça hyper anxiogène. On les bouffe aussi. Hein, mais oui, non, mais c'est à la fois très drôle. Mais c'est à la fois très triste, parce que ça pue la solitude. Oui, mais c'est terrible, en fait, le désespoir. C'est vrai, oui, mais ça comme rapporte. Ça, hein. Ça rapporte. Il y a un marché a business, hein, pour que ça respire. Ok, voilà. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h et on passe l'actualité à la friteuse avec vous. On va passer le deuxième sujet en revue. Un paparazzi rangé des voitures est devenu le photographe de Nicolas Sarkozy. Le photographe qui bénéficie de toutes les exclusivités, qui met le président du parti Les Républicains assez en valeur et qui, par hasard, photographie Hollande en short, c'est talent de la crème, mais ça c'est le hasard. Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, il y a mon mari le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant. Quand j'ai le cœur qui flanche, tripote sa balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme. Carla Bruni qui reprend Barbara. Mais la société avance, on n'arrête pas le on progrès. On s'excuse auprès de Barbara. Voilà, c'est un article paru dans l'Express aujourd'hui qui raconte cette histoire un petit peu dans le duel Hollande-Sarkozy. Je vous lis la chute de l'article. L'affrontement entre l'actuel et l'ancien président ne connaît et ne connaîtra pas de limite. Signe des temps, sur le champ de bataille passe un photographe, donc un paparazzi qui finalement est devenu photographe officiel. Alors, je me posais cette question, est-ce vraiment valorisant d'être le photographe officiel de Sarkozy quand on sait qu'il y a toujours des petits coups de Photoshop derrière? Ouais. Surtout, il bouge beaucoup, donc ça doit être un peu flou à un moment donné. Est-ce que vous êtes friande un peu de ça, vous regardez un peu ce duel entre François Hollande, Nicolas Sarkozy et ce côté coulisses, et ce côté coulisses assez étonnant, hein, parce que d'avoir un photographe, un paparazzi qui passe... du côté officiel, de la force. De la force, ouais. Je trouve la politique à dégueuler. Ah, ça mérite d'être. Enfin, c'est pas si c'est un personnage de ton spectacle ou si c'est. Non, c'est moi. C'est moi. Si, j'ai bien compris. Je trouve la politique à dégueuler et je trouve que la manipulation comme ça, qui est quand même de plus en plus présente, est encore plus à gerber. Parce que ça va pas, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans la merde et qu'on est en train de se poser des questions d'image, de compétition, de concours de bites, parce que c'est ça. C'est un concours de bites, et alors que concrètement, ça va très très mal, et qu'il faudrait vraiment se sortir les doigts du cul. Il y a beaucoup de gros mots, parce que je suis très en colère, et faire des choses, des vraies choses, mais arrêter de se poser des questions comme ça sur des il faut être pris sur tel profil, se mettre en valeur, c'est de la propagande en fait. Ah oui, c'est de la propagande. Il n'y en a pas un qui a vos faveurs, duquel vous ne décidez pas ça? Vraiment, moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait une révolution au niveau mondial. En fait, je suis même pas sûre que la politique au niveau de la France puisse encore bouger. Je pense que les hommes politiques n'ont aucune marge, en fait. C'est juste des espèces de pantins qui s'agitent, mais c'est des espèces de grosses puissances industrielles qui dirigent le monde. Et on fait croire aux gens que ça va changer, alors que ça va être de pire en pire. Et s'il n'y a pas une révolution, ça va être la merde, vraiment. Donc, il va falloir qu'on change et il faut arrêter de croire que c'est eux qui ont le pouvoir, parce qu'en fait, c'est le peuple qui a le pouvoir et qu'à force de nous prendre pour des cons et nous abrutir avec des arbres à chats, ça va pas avancer. Vient de tomber amoureux, hein, Guillaume. Est-ce que vous allez voter au régional? Parce que vous dites que ça passe par la révolution, il faut le pouvoir est au peuple. Oui, le pouvoir est au peuple s'il vote ou pas. Oui, bien sûr qu'il faut voter, mais après, moi je vote blanc, parce que voilà, je suis mais pas vous, d'accord. Mais vous c'est-à-dire que vous votez quand même, vous votez blanc, donc il y a quand même, vous déplacez. Mais la consommation, c'est du vote aussi. La plupart des gens, oui, et moi je consomme différemment, parce que je trouve ça formidable qu'on ait de plus en plus de documentaires qui nous montrent les conséquences de notre manière de vivre. Par exemple, les fringues, moi j'achetais avant des fringues chez Zara, chez H&M, tout ça. J'ai vu ce que ça faisait sur les gens dans le monde et tout ça, c'est terminé. C'est terminé d'avoir l'armoire pleine à craquer et qu'il y a des gens qui crèvent à cause de ça. Mais Emmaüs voit très bien aussi. Je Non, mais en fait, tout. Et si jamais tous, on fait un petit peu plus attention, c'est le consommateur qui décide, c'est pas l'inverse. Constant. On va faire la promo je de votre spectacle. Je sens que l'auditeur de France Inter va adhérer au propos. Je ne sais pas ce que vous dites quand vous allez sur RTL. Constant, mais... c'est partout sentimental à la Comédie de Paris jusqu'au 19 décembre et après en tournée dans toute la France. Samir Bouni, vous allez dire quelque chose? Non, du tout. Je vous regarde, je vous trouve très très belle. Tout Mais Constant, c'est partout sentimental à la Comédie de Paris jusqu'au 19 décembre. Je vous kiffe. Samir Bouni, c'est à vous. Oui, on va parler d'autre chose, hein, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce soir, Porte de Saint-Cloud, les copains et les copines à Paris, au Parc des Princes, le PSG d'Ibrahimovic va jouer contre le Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Eh ouais, une affiche de rêve, mes amis, hein, de Ligue des Champions entre ces deux grands clubs, et pas uniquement pour les amateurs de foot, non, pas du tout. Il y a autre chose à regarder, à voir ce soir, que des ados attardés qui se mouchent dans leurs doigts, et qui pleure quand on leur retire la baballe. Il y a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui va entrer sur la pelouse du Parc des Princes avec ça. Ah la vache! Merde! J'ai les larmes. Ça fait pleurer. Ah, je suis pas bien là. Ça, c'est de la musique, Bauer. Écoutez ça un peu. Ça, il y a du genre de la sensation. C'est quoi avec tes conneries qui te bouche améliorées là? Alors là, cette musique qu'on entend, elle a été composée par un certain Tony Brighton, mais on s'en fout complètement. Oui. Ronaldo, le triple ballon d'or, celui qui, sur cette terre, est le seul joueur à pouvoir disputer à Lionel Messi le titre du plus grand joueur de la planète, donc. Et il est là, et ben voilà. En même temps, on sait très bien que c'est Messi le plus grand joueur de tous les temps, mais enfin bon, on n'insiste pas, parce qu'on sait très bien que la très méchante Mélanie Boer n'a de cesse que de menacer de mort toute personne qui affirmerait le contraire. Ceci dit, donc, Cristiano Ronaldo est en portugais, je peux vous dire que le critiquer en France, c'est pas une très bonne idée. Hein. J'ai d'ailleurs sur le corps des stigmates, des cicatrices, qui témoignent de la violence des réactions de ses supporters quand il arrive à mettre la main sur un inconscient qui aurait osé dire du mal de CR7. Alors j'ai pas dit CRS, Guillaume, détends-toi, reste assis, j'ai dit CR7. D'accord, CR7 c'est quoi? Parce qu'il s'appelle comme ça, Cristiano Ronaldo, donc CR, et 7 pour le numéro de maillot. CR7, c'est aussi une marque, chers amis, parce que Cristiano vend beaucoup de choses avec son nom. Et notamment des slips, qu'il se fait fort de porter lui-même sur d'immenses panneaux publicitaires. Il exhibe alors un corps superbement sculpté, merveilleusement moulé, qui ferait dire à n'importe quel rugbyman qui s'apprête à se faire photographier le pénis pour le célèbre catalogue des gars qu'on ne regarde jamais dans les yeux et dont les bénéfices des ventes sont versés à on ne sait jamais. Mais qui hein? Oh putain, quel Abdal, il a le con. Hein? On dit pas Abdal, on dit Abdo. Mais comme le gars qui écrit cette chronique, il n'en a qu'un seul d'Abdal et tout rond, ben, il est jaloux de Cristiano et veut nous faire passer pour des cons. Et en plus, il imite mal notre accent. C'est vrai que j'imite mal l'accent des joueurs de rugby. Et c'est vrai aussi que je suis jaloux des abdos de Cristiano, je l'avoue. Mais ça s'arrête là. Pour le reste, chers amis, je ne me sens pas du tout, mais pas du tout complexé. En effet, je peux avoir le même regard de bovin que Cristiano Ronaldo. Quand je le regarde contrôler le ballon ou écarter les jambes avant de tirer un coup franc, j'ai moi aussi le regard neutre, éteint. Mon cerveau est à proprement dire colonisé. Me voilà tout bêtement admiratif. Je regarde ce type pénétrer la défense adverse avec une telle facilité que je finis par me demander si le génie ne serait pas la vaseline du talent. Ah, Cristiano Ronaldo, ou la vitesse impétueuse, ou l'équilibre insultant, parce que le foot ne sert à rien, si ce n'est à nous faire oublier que les obstacles, représentés par autant de petits bonhommes qui vous empêchent de prendre le ballon, et ben que les obstacles donc doivent nous servir d'appui, s'appuyer sur un mur pour le franchir, aurait dit Napoléon. C'est encore une fois la leçon du sport, chers amis. Contredire les évidences, faire de son handicap une facilité. Schopenhauer a écrit... Ah, attendez voilà, un peu, enfin, je vous cache pas qu'on je l'ai gardé pour la fin. Il joue dans quelle équipe? Il était annoncé numéro 10. Le destin bat les cartes et nous jouons. Et ben, les génies du sport disent, eux, jouons à rebattre les cartes du destin. Bon, Cristiano s'en fout sans doute de Schopenhauer, mais sa philosophie du jeu n'en reste pas moins admirable. Les Parisiens le savent, eux qui risquent leur slip ce soir face au Real. Tout peut arriver, vous me direz, hein. Mais de toute façon, qu'ils repartent à poil ou pas de Paris, le Madrilène est beau sous toutes les coutures. Samir Bouadi, nous parlons de sport sur qui France parle Inter. Du 0-4 de ce soir au Parc des Princes. Pourquoi pas. Allez, nous sommes toujours en compagnie de Constance et on va aborder avec vous le troisième sujet. Il est beau ce sujet, il est beau. Le secrétaire d'État au budget a refusé de faire du tampon un produit de première nécessité en refusant de baisser la taxe sur ce produit. Un produit qu'il achète pourtant pour sa femme et pour ses filles. Sa fille aînée, c'est avec applicateur. Mais c'est précisé dans le journal L'Opinion ce matin. Il le précise. Elle est contente, elle est comme la petite. Voici d'ailleurs... pas si petite. Voici d'ailleurs un document sonore prouvant que c'est bien Christian Eckert qui fait les courses au supermarché. Ça passe pas. C'est combien le protège-slip? En promo, Sylvie. En promo, il faut aller voir sur le stand alors. Moi, je peux y aller si vous voulez, ça me dérange pas. Jeanne Rose, vous pouvez aller voir les protège-slip sur le stand en promo, s'il vous plaît? Il n'y en a plus des protège-slip. Ah, ils ont défait le stand. Oui, c'était les derniers, c'est pour ça. Pardon? Non, j'ai dit que c'était les derniers protège-slip. Les derniers quoi, monsieur? Les derniers protège-slip. Non, j'entends pas à cause de la caisse là. Les derniers protège-slip, c'est marqué là. Attends, tu me suis pas arraché, mais vous obligé de savoir que je porte des protège-slip. Tiens, je t'ai pris des bonbons à la menthe, moi, pour ta mauvaise haleine. Un extrait de Un gars, une fille. Alors, tout a commencé avec une chronique de Sophia Aram sur cette antenne lundi. Une chronique mordante, bien sûr, où elle expliquait à Christian Eckert, écoutez, franchement, le Tampax, c'est pas comme la mousse à raser, quoi. Oui, parce qu'il l'avait dit. Oui, parce qu'il l'a dit. C'est-à-dire que, bon, si vous n'avez pas de mousse à raser pendant 3 jours, bon, mais si vous n'avez pas de Tampax pendant 3 jours... J'adore cette émission. Service public, mon vieux. Et Christian Eckert, le secrétaire général au budget, il répond aujourd'hui dans le journal L'Opinion. Il dit, j'ai une femme et 3 filles. Donc, un environnement qui connaît le sujet. J'aime bien faire les courses le samedi. Je connais la taille, la typologie et la couleur pour chacune d'entre elles. Je sais que pour l'une, c'est avec applicateur. Pour l'autre, XXL, etc. Il a une vie de merde, lui aussi. Mais donc, on est avec vous, Constance, et on sent que vous avez des valeurs bien ancrées, vous êtes engagée. Sophia Aram fait une chronique lundi sur cette antenne. Et finalement, l'humour peut titiller le politique et peut-être faire bouger des choses. Et en tout cas, les indignations sont entendues quand elles sont passées avec le langage de l'humour. Ah, alors... Des blagues sur les tampons. Alors déjà, peut-être, en tant que femme, vous avez peut-être vu ce sujet d'actualité. Vous vous êtes dit, mais enfin, quand est-ce que le tampon va devenir un produit de première nécessité? Alors, oui, c'est vrai que c'est une question, quand même, que je me pose assez régulièrement. Non, je ne m'étais jamais trop posé la question, mais je trouve ça... Est-ce qu'elle a le mérite d'être posée? Oui, d'accord, on va parler de ça. Mais je trouve ça fou que, oui, que ce ne soit pas considéré comme une première nécessité, parce que, à part pour certaines personnes, ce n'est pas un plaisir. Et puis, je ne sais pas, c'est... Après, c'est encore... Moi, je suis dans une autre démarche où maintenant, il y a d'autres trucs parce que les tampons, les serviettes, ça pollue énormément. Il y a maintenant... ça s'appelle la cup. J'adore cette émission. Non, mais alors voilà. C'est pas dégoûtant, ça n'est pas ça. Ah non, du tout. J'ai une amie, elle m'a fait beaucoup rire. La cup, c'est du silicone, en fait. C'est une espèce de petit récipient, comme un tampon, mais creux, ouais. En fait, qu'on s'introduit dans le vagin. Et du coup, on la vide, on la change. Enfin, voilà, et du coup, ça pollue pas, on ne jette pas ça. Et on peut faire son propre boudin. Mais c'est obligatoire. Voilà, on attendait quand même la blague. Voilà. D'accord. J'ai... Si vous êtes en voiture. Hashtag annule tout sur France Inter, il y a un fou. Constance, présidente, Guillaume Meurice, premier ministre, ça a de la gueule. Non, François de Nantes, tu es fou. Qui dit ça sur Twitter? François Nantes, mais c'est la dernière fois, je vais le désabonner. Voilà. Je signale quand même que le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, répond que bon, voilà, une telle mesure, faire baisser la TVA sur les tampons, c'est une mesure qui coûterait quand même 50 millions d'euros. Donc il est à la fois père et mari, mais il est aussi secrétaire d'État au budget, évidemment. Et maintenant, je vous renvoie à l'opinion, parce que quand même, c'est quand même amusant. Il y a l'une de ses filles qui est choquée après avoir entendu Sophia Aram brocarder son père sur les ondes, qui a envoyé immédiatement un SMS, qui est reproduit dans le journal L'Opinion, et qui dit « Et en plus, tu en as acheté, toi, des tampons. » Donc, voilà. Il les utilise. Est-ce que c'est expliqué, ça? Dire à quel point le débat politique est... Mais il a été aidé en cela aussi par la secrétaire d'État, je crois, aux femmes, ou je sais pas quoi, qui a dit qu'en fait, le budget des femmes avait augmenté de 2 millions d'euros. C'était ce qui justifiait le fait de pas jouer. Vois que vous êtes informé sur le sujet, ça fait plaisir. C'est un sujet qui me branche. Vous avez survolé les titres. Allez, passons au sketch et à la détente. Oui, Constance, tous les jours, nous proposons un sketch à notre invité. Et aujourd'hui, j'ai quand même réussi à imposer le sketch, retour vers le futur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre 2015. Et ce jour débarque Doc, et Marty McFly, surtout, en fait, c'est Doc qui l'envoie. Et nous aussi, nous avons décidé de faire un bond dans le futur. Nous quittons 2015 pour nous rendre en 2030. Et c'est Guillaume Meurice qui part avec vous. Attention, c'est parti. Constance, ça va? J'ai un peu mal à la tête. Non, j'allais pas te proposer qu'on couche ensemble. Ah d'accord, donc j'ai plus mal à la tête. C'est dingue, Constance, regarde, nous sommes dans les studios de France Inter en 2030, regarde. T'es sûr qu'on a avancé dans le temps? Ah bah oui, certain, pourquoi tu doutes? Bah la maison de la radio est toujours en travaux. Oui, bah c'est pas un indice, chut. Regarde, c'est le moment des infos. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18-20 de France Inter. Nous sommes le 21 octobre 2030, voici le rappel des titres. Politique, les juges viennent de classer sans suite le procès de Patrick Balkany concernant l'achat de double vitrage à la mairie de Levallois-Perret. International Daesh continue de progresser vers l'ouest. Ils ont entamé ce matin la destruction de la muraille de Chine. A priori, ça nous laisse le temps cette fois d'organiser les ripostes. Médias, ce matin sur BFM TV, la présentatrice vedette Marine Le Pen a reçu l'actuel président du National Jean-Jacques Bourdin. Sport, Johan Gourcuff s'est blessé ce matin. L'actuel entraîneur de Bordeaux s'est blessé en ramassant le stylo avec lequel il notait la composition de l'équipe pour dimanche. Et pour terminer, People, l'ancien chef d'État François Hollande vient d'officialiser son union avec la jeune actrice Julia Sarkozy, la fille d'un autre ancien président. Intersoir. Ça fait bizarre hein, quand même. Hein. Ils font ça bien. Bah, surtout Charline, j'ai remarqué. Ah non, moi je trouve qu'Alex est de plus en plus beau avec l'âge. Bah, t'es sûr que c'est pas ton mal de tête qui te reprend là? Non, je regrette. Même si y a que le soir à passer entre nous en 2015. Bah, excuse-moi, c'est Charline qui est bluffante dans le futur. Elle a pas bougé. Elle est toujours aussi jeune, charmante, professionnelle. Je me demande si elle a pas découvert le secret de la jouvence éternelle. Quel poète. Dis, je me demande un truc. Pourquoi on dit autant de bien d'eux en 2015? Ben, parce que c'est eux qui ont écrit le sketch. C'est beau ce que vous avez dit, Guillaume. Vous le pensez ou... Alors, c'était écrit. Alors, pour tout vous avouer, c'était écrit bouffante à la place de bluffante. Mais j'ai corrigé de moi-même. Voilà. Je donne les coulisses. Merci. Du sketch. Parce qu'on travaille avec Maître Capello. Personnes qui ont filé. Constance était avec nous. Merci beaucoup, Constance, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle qu'on peut vous voir pour l'instant à Paris. C'est à la Comédie de Paris, dans Partout The Sentimental. Et c'est jusqu'au 19 décembre. Et ensuite, on pourra vous voir en tournée dans toute la France. Et les Français qui ne vous connaissent pas encore pourront vous découvrir. Les auditeurs d'Inter sont réjouis. Hein, voilà. Pendant l'année 2016. Donc merci beaucoup à tous. Samir Bouadi, Mélanie Bauer, Guillaume Meurice, Alex Vizorek. On va se retrouver demain en compagnie de Toby Nathan. Et voici le mot de la fin qu'on dédie au projet de loi qui propose de nous fouiller pour monter dans le train. Comme ça, j'ai pu aller tranquillement à la police de l'immigration. Bon, et puis après, ils m'ont laissé passer. Non, ils m'ont fait un petit toucher rectal et ils m'ont laissé passer.